délivrer. Délivrance, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ mon libérateur. Oui. Je m'acclame, je le magnifierai toute ma vie. Ma vie, oh, je l'adore, je l'acclame, je le célébrerai pour toujours. Le premier Adam a péché, le deuxième Adam, Jésus, est venu restaurer. Cinquième âge, Dieu a donné à Moïse la loi, 613 lois. Le sang des boucagnons ne pouvant expier le péché de toute l'humanité. La loi morale difficile à respecter. Dieu nous offre le salut en Jésus, mon frère. Disponible. Dans les cieux. Parole de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.